La cérémonie d'inauguration du musée de la Révolution coréenne s'est déroulée le 30 mars. Y ont pris part le sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les cadres des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir et du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux, des organismes du parti et du pouvoir, des usines et entreprises de la ville de Pyongyang et les cadres et bâtisseurs qui ont participé au réaménagement, ainsi que le personnel du musée. Avant la cérémonie, les participants se sont inclinés devant le tableau de peinture représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il exposé à la salle d'introduction générale du musée. Kim Gi-nam, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, membre du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, a prononcé le discours d'inauguration. Le musée de la Révolution coréenne, qui synthétise l'histoire révolutionnaire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, est le premier des trésors nationaux de la Corée du Soleil et le pilier idéologique et spirituel des militaires et civils coréens qui font briller à jamais les idées et exploits révolutionnaires des grands leaders et anticipent la victoire finale de la cause révolutionnaire Chuché sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un. Au musée, on a exposé les statues en pied en couleur du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Et on a réaménagé à merveille une centaine de salles où sont exposés nouvellement, par ordre des contenus et chronologiques, des milliers d'objets d'intérêt historique et de données qui montrent la tradition et l'histoire de la révolution coréenne qui a connu la victoire et la gloire sous la direction des grands leaders. Le musée compte des dizaines de mille objets d'intérêt historique et données qui montrent historiquement et synthétiquement la vie révolutionnaire et les exploits des grands hommes pectosan.